En Corée, des succès se multiplient au chantier de rétablissement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. À l'arrondissement de Mosan, les militaires de l'armée populaire ont terminé dans un court laps de temps le charpentage des maisons d'habitation de mille et des centaines de foyers. Avec cet élan, ils poussent dynamiquement les travaux de finissage. Les militaires ont terminé en 5 jours seulement le charpentage de l'école maternelle de Sambon, tout en faisant la construction des habitations à plusieurs étages. À l'arrondissement d'Onsan, on fait précéder la construction des crèches, jardins d'enfants et écoles avec celle des maisons d'habitation et règle en premier les problèmes pour la gestion des écoles. Par ailleurs, le complexe sidérurgique Kimtae a achevé pendant un peu plus d'un mois le plan de production des milliers de tonnes de matériaux en fer et en acier nécessaires au redressement des régions sinistrées.